réalité chienne. Je sens que les bons, elle est partie comme un ange. À la prochaine, hors de question, quand même un royaume en échange. Elle est délicieuse, elle est pipone, elle est partie comme un ange. Elle est de celle qui change la donne, quand la vie de son mari change. Mes souvenirs n'ont pas pris vide. Tristesse et la vide, on s'aimait trop mal, on se serait fait donner le sida. Le destin coïncide, ma belle polo d'Alida. Trois points et mon orgueil tout pourri, on a fait un vide. Sans elle j'ai senti le vide, la chute, la redescente. Où est passée la fleur que j'ai connue adolescente? Tiens, explique ses scènes, tous ces mots qu'elle me fascine. Mignonne, allons l'accueillir, pétrie jusqu'à la racine. Et juste ça, plus je la voulais, plus elle s'éloignait de moi. Ah, j'en arrive au même résultat. Tu tues un million, même aveugle, c'est elle que je vois. Ah, elle était belle, elle sentait bon, elle est partie comme un ange. À la prochaine, hors de question, pas même un royaume en échange. Elle était belle, elle était bonne, elle est partie comme un ange. De style, dernier sourire facile, rallumer la lumière, y'a plus personne au bout du fil. Devine ce que je viens comme mettre sur mes tragédies. Pour le reste de ma vie, pour le reste de ma vie, un dernier clignement de style. Personne au bout du fil, devine ce que je viens, mon cœur attend qu'on le déploie. Elle était belle comme ma chute, elle est partie comme un shaitan. Et juste plus je la voulais, plus elle s'éloignait de moi. Oh, j'en arrive au même résultat. Tu tueras un million, même aveugle, c'est elle que je vois. Oh, elle était belle, elle sentait bon, elle est partie comme un ange. À la prochaine, hors de question, pas même un royaume en échange. Elle était belle, elle était bonne, elle est partie comme un ange. Elle est de celle qui change la donne quand la vie de son âme change. Elle était belle, elle était